Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission best-of du mois d'août pour l'émission Hellbanger, toujours à peu près présent sur les ondes du Radio Béton, les ondes du 93.6. Après une rétrospective best-of au mois de juillet pour toutes les sorties qui allaient de janvier à mars, on va maintenant s'envoyer la rétrospective de toutes les diffusions qu'on vous a envoyées entre avril et juillet. Au niveau de la sélection, pour éviter de trop se casser la tête, on reprend ce qui nous a vraiment marqué, ce qu'on a pu vous illustrer au travers des podcasts et autres spotlights que l'on égrène au long des semaines et des mois de l'émission. Donc voilà, un petit consensus de tout ce qui nous a vraiment marqué sur ce deuxième trimestre 2022. Donc on va s'envoyer des petits tirs groupés de 4-5 groupes avec une présentation rapide et un rappel de la date de sortie. On a donc pour cette première rafale Septic Flesh, le groupe grec qui a sorti là son nouvel effort studio chez Nuclear Blast. On est toujours sur du death orchestral symphonique. Voilà, le groupe a fait un petit up entre Season et Nuclear. Recette pas trop changée, mais une grosse mise en avant des guitares. Un retour vraiment en avant des guitares, et c'est plutôt efficace. Terror, le groupe de hardcore ricain, 20 ans de carrière, 10e effort studio, et rien de plus à ajouter. Audrey Horn, 20 ans d'existence également, 7e album pour les Norvégiens, toujours aussi bluesy, groovy, hard rock. Incandescence, ensuite groupe de black québécois qui sort là son 4e album. C'est le projet de Philippe Boucher qui porte très bien son nom, qui est notamment conneur chez Beyond Creation. Et bien évidemment, quand le projet est porté par un batteur, ça s'entend. Du black assez froid, épique et viscéral, bah, presque à la sauce québécoise en fait, hein, tout simplement, alors que le type vient du brutal death technique. Dawall, ensuite, pour clôturer ce premier chapitre de ce soir, le groupe de brutal death qui nous vient de Mulhouse, qui rend un superbe hommage à la scène death old school française. Premier album en 8 ans d'existence, pardon, 8 ans après un premier EP. Ça tartine de la violence comme il faut, c'est efficace, tout ça en à peine 30 minutes, et bien évidemment, on retrouve une cover de Merciless. Septic Flesh, Desert Throne, Terror, The Hardest Truth, Audrey Horn, Animal, Incandescence, Tréfonds Macabre, Dawall, Telos, Imminent, Autogenesis, et tout ça, on vous l'a diffusé entre avril et mai, c'est parti. We'll be right back.

toujours dans la rediff best-of des meilleures sorties de l'émission entre avril et juillet 2022. Voilà, c'est un truc qu'on va vous égrener tout au long du mois d'août, chaque dimanche soir. Nous avons donc Satan, le vieux groupe de heavy anglais qui est revenu aux affaires début 2010. On est sur du heavy classique et classieux, joué par des vétérans, et ma foi, la recette prend toujours aussi bien. Despel Omega, ensuite les monstres du black metal français venus du Poitou, sortent là un 8ème effort studio qui nous renvoie un peu plus sur le black traditionnel des années 90 que sur leur black avant-gardiste dont ils nous avaient gratifié sur les présentes sorties studio. Corpsest, ensuite une excellente découverte de putride caverneux du death dégoulinant qui nous vient de Finlande. Troisième album studio qui a vu le jour chez Dark Descent Records. C'est sale, c'est lourd, c'est pesant et cependant ça tabasse bien comme il faut. Hyperia, groupe canadien qui nous donne dans le power américain à la croisée avec le thrash et le melodeath, emmené par une vocaliste à la palette vocale absolument terrible. On a des réminiscences à la sauce Martha Gabriel de Crystal Viper et autres Sabina Sklassen de Holy Moses pour un ensemble ultra solide et cohérent. Sumerian Tombs, ensuite, pour clôturer ce deuxième bloc de ce soir. Une toute jeune formation de black qui nous vient d'Allemagne. On est bien sûr sur le thème de la mythologie sumérienne. C'est pesant, c'est suffocant, hein, ça pue le sable chaud. Et on est sur un black assez grandiose. Bon, on n'est pas dans les orchestrations à la Septic Flèche. Mais, ma foi, ça s'écoute vraiment très très bien, Sumerian Tombs. Et c'était une très bonne découverte. On va donc s'écouter les morceaux de Satan Ascendancy, Despel Omega Our Life Is Your Death, Corpsest Spiritual Malevolence, Hyperia Prisoner of the Mind, Sumerian Tombs, Bloodspell of the Ancient, et tout ça c'est ce qu'on vous a diffusé plutôt au cours du mois d'avril. C'est parti. We'll be right back. Ah!